On pourrait croire que l'été revient, tellement il fait beau sur la ville. Et s'il y a une chose qui me fait envie, c'est bien l'envie de ne rien faire. Aujourd'hui, vive-moi, je suis bien dans ma peau. Aujourd'hui, vive-moi, c'est ma fête. À la radio, y'a quelqu'un qui parle. J'irai sûrement pas le contredire. Aujourd'hui, vive-moi, je suis bien dans ma peau. Aujourd'hui, vive-moi, c'est ma fête. L'impression qu'aujourd'hui les filles sont bien plus jolies que d'habitude. Et pour allumer tous ces yeux qui brillent, j'ai même pas besoin de leur sourire. Aujourd'hui, vive-moi, je suis bien dans ma peau. Aujourd'hui, vive-moi, c'est ma fête. Des jours comme ça, ça ne court pas les rues. Faut bien sauter dessus quand t'es pas seul. Aujourd'hui, vive-moi, je suis bien dans ma peau. Aujourd'hui, vive-moi, c'est ma fête. Aujourd'hui, vive-moi. Aujourd'hui, vive-moi. Aujourd'hui, vive-moi. Aujourd'hui, vive-moi. Aujourd'hui, vive-moi.